C'est à ce moment-là qu'au retour de la promenade, Blanco est assassiné, mais son fils peut s'échapper. Informé par l'assassin lui-même, Macbeth s'inquiète. Voilà mon accès qui revient. Sans cela, j'aurais été à merveille, entier comme un marbre, solide comme un roc, dégagé libre comme l'air ambiant. Mais à présent, me voilà claquemuré, encagé, confiné, enchaîné dans des inquiétudes et des craintes insolentes. Mais, Banquo, est-il en sûreté? Oui, mon bon seigneur, en sûreté, dans un fossé qu'il occupe, avec 20 balafres dans la tête, dont la moindre serait la mort d'une créature. Merci pour cela. Voilà le vieux serpent écrasé. Le reptile qui s'est sauvé est de nature à donner du venin un jour, mais il n'a pas de dents encore. Va-t'en !